m'aider. Où veux-tu que j'aille? Où me renvoies-tu? Gagnerai-je le phase, la Colchide, le royaume paternel, les champs baignés du sang de mon frère? Tu me chasses. Quelle terre m'ordonnes-tu de gagner sans toi? Quelle mer libre? Les détroits du pont où je suis passé derrière toi, trichant, mentant, volant pour toi? Lemnos, où l'on n'a pas dû m'oublier? La Thessalie où ils m'attendent pour venger leur père? Tu es pour toi? Tous les chemins que je t'ai ouverts, je me les suis fermés. Je suis Médée, chargé d'horreur et de crimes. Tu peux ne plus me connaître. Ils me connaissent encore, eux. Quel embarras, hein? Un vieux complice. Il fallait me laisser tuer, tu le vois bien. Je te sauverai. Tu me sauveras. Que sauveras-tu? Cette peau usée? Cette carcasse de Médée, bonne à traîner son ennui et sa haine n'importe où? Un peu de pain et une maison quelque part, et qu'elle vieillisse, n'est-ce pas, dans le silence, qu'on n'entende plus parler d'elle? Enfin! Pourquoi es-tu lâche, Jason? Pourquoi ne vas-tu pas jusqu'au bout? Il n'est qu'un lieu, qu'une demeure où Médée enfin se taira. Cette paix que tu voudrais que j'aie pour pouvoir vivre, donne-la-moi. Va dire à Créon que tu acceptes. Ce ne sera qu'une petite minute dure à passer. Tu as déjà tué Médée aujourd'hui, tu le sais bien. Médée est morte. Qu'est-ce que c'est qu'un peu de sang de Médée en plus? Une flaque qu'on lavera par terre? Une caricature figée dans un rictus d'horreur qu'on cachera quelque part dans un trou? Rien. Achève, Jason. Je n'en peux plus déjà d'attendre. Va dire à Créon. Non. Pourquoi? Crois-tu qu'un muscle qu'on déchire, qu'une peau qui se fend, ce soit plus? Je ne veux pas de ta mort non plus. C'est encore toi, ta mort. Je veux l'oubli et la paix. Tu ne les auras jamais plus, Jason. Tu les as perdus en Colchide, ce soir dans la forêt où tu m'as prise dans tes bras. Morte ou vivante, Médée est là devant ta joie et ta paix, montant la garde. Ce dialogue que tu as commencé avec elle, tu ne le termineras qu'avec ta mort maintenant. Après les mots de la tendresse et de l'amour, ça aurait été les insultes et les scènes, c'est la haine à présent, soit. Mais c'est toujours avec Médée que tu parles. Le monde est Médée pour toi, à jamais. Le monde a-t-il donc toujours été Jason pour toi? Oui. Tu oublies vite. Ce n'est pas pour une dernière scène de ménage que je suis venu te trouver, mais cette couche où tu nous prétends lier à jamais, qui l'a désertée la première? Qui la première a accepté d'autres mains sur sa peau, le poids d'un autre homme sur son ventre? Moi! Je croyais que tu avais oublié aussi pourquoi nous avions fui de Naxos. Tu t'échappais déjà. Ton corps reposait près de moi chaque nuit, mais dans ta tête, dans ta sale tête d'homme fermé, tu forgeais déjà un autre bonheur, sans moi. Alors j'ai essayé de fuir la première, oui. C'est un mot commode, fuir. Pas tellement, tu vois, car je n'ai pas pu. Ces mains, cette autre odeur, ce plaisir même que tu ne me donnais plus, toi, je les ai haïs tout de suite. Je t'ai aidé à le tuer. Je t'ai dit l'heure. J'ai été ta complice contre lui, je te l'ai vendu. L'as-tu oublié, toi, ce soir où je t'ai dit, viens, il est là, tu peux le prendre. Ne parle plus jamais de ce soir-là. J'ai été ignoble, hein, ce soir-là. Deux fois, et tu me méprisais, tu me haïssais de toutes tes forces, et je n'avais plus à attendre autre chose de toi que ce regard froid. Mais c'est tout de même toi que j'ai supplié de m'emmener. Il était beau, tu sais, Jason, pourtant, mon berger de Naxos. Il était jeune, et il m'aimait, lui. Pourquoi n'est-ce pas à lui que tu as dit de me tuer? Je dormirai maintenant, loin de toi. J'aurai fini. Je n'ai pas pu. Il a fallu que je me recolle à ta haine, comme une mouche, que je reprenne mon chemin avec toi, que je me recouche le lendemain contre ton corps ennuyé, pour pouvoir enfin m'endormir. Tu crois que je ne me suis pas mille fois plus méprisé que toi? J'ai hurlé, seul devant ma glace, je me suis déchiré avec mes ongles d'être cette chienne qui revenait se coucher dans son trou. Les bêtes s'oublient, elles, et se quittent au moins le désir mort. Je te connais pourtant, héros pour fille de Corinthe. Je t'ai pesé, moi. Je sais ce que tu peux donner. Mais je suis encore là, tu vois. Tu l'as peut-être fait tuer trop vite, ton berger. J'ai essayé, Jason. Tu ne l'as pas su. J'ai essayé encore avec d'autres depuis. Je n'ai pas pu. Un temps, Jason dit soudain plus doucement. Pauvre Médée. Médée se dresse devant lui comme une furie. Je te défends d'avoir pitié. Le mépris. Tu me le permets? pauvre Médée encombré de toi-même, pauvre Médée à qui le monde ne renvoie jamais que Médée. Tu peux défendre d'avoir pitié. Personne n'aura jamais pitié de toi. Et moi non plus, si j'apprenais aujourd'hui ton histoire, je ne le pourrais pas. L'homme Jason te juge avec les autres hommes et ton cas est réglé pour toujours. Médée, c'est un beau nom pourtant. Il n'aura été qu'à toi seul dans ce monde. Orgueilleuse, emporte celle-là dans le petit coin sombre où tu caches tes joies. Il n'y aura pas d'autre Médée jamais sur cette terre. Les mères n'appelleront jamais plus leur fille de ce nom. Tu seras seul jusqu'au bout des temps, comme en 7 minutes. Tant mieux ! Tant mieux. Redresse-toi, serre les poings, crache, piétine. Plus nous serons à te juger, à te haïr, mieux ce sera, n'est-ce pas ? Plus le cercle s'élargira autour de toi, plus tu seras seul, plus t'auras mal pour mieux haïr, toi aussi, plus ça sera bon. Eh bien, tu n'es pas toute seule ce soir. Tant pis. Moi qui ai le plus souffert par toi, moi que tu as choisi entre tous pour dévorer, j'ai pitié de toi. Non ! J'ai pitié de toi, Médée, qui ne connaît que toi, qui ne peut donner que pour prendre. J'ai pitié de toi, attaché pour toujours à toi-même, entouré d'un monde vu par toi. Garde ta pitié, Médée. Blessé est encore redoutable. Défends-toi, plutôt. Tu as l'air d'une petite bête éventrée qui se débat et empêtrée dans ses tripes et qui baisse encore la tête pour attaquer. Cela tourne mal, Jason, pour les chasseurs qui se permettent ces attendrissements au lieu de recharger leurs armes. Tu sais tout ce que je peux encore. Oui, je le sais. Tu sais que je ne m'attendrirai pas à moi, que je ne me mettrai pas à avoir pitié à la dernière minute. Tu m'as vu faire front et tout risquer d'autrefois, pour bien moins. Oui. Alors qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi viens-tu tout brouiller soudain avec ta pitié ? Je suis ignoble, je le sais. Je t'ai trahi comme les autres, je ne sais faire que le mal. Tu n'en peux plus de moi, et tu sens bien quel crime je prépare. Garde-toi, voyons, recule, appelle les autres, défends-toi au lieu de me regarder ainsi, non. Je suis Médée, je suis Médée. Tu te trompes. Médée, qui ne t'a rien donné, jamais, que de la honte. J'ai menti, j'ai triché, j'ai volé. Je suis sale. C'est à cause de moi que tu fuis, et que tout est taché de sang autour de toi. Je suis ton malheur, Jason, ton ulcère, tes croûtes. Je suis ta jeunesse perdue, ton foyer dispersé, ta vie errante, ta solitude, ton mal honteux. Je suis tous les sales gestes et toutes les sales pensées. Je suis l'orgueil, l'égoïsme, la crapulerie, le vice, le crime. Je pue, Jason. Ils ont tous peur de moi et se reculent. Tu le sais pourtant que je suis tout cela et que je serai bientôt la déchéance, la laideur, la vieillesse haineuse. Tout ce qui est noir et laid sur la terre, c'est moi qui l'ai reçu en dépôt. Alors, puisque tu le sais, pourquoi n'arrêtes-tu pas de me regarder ainsi ? Je n'en veux pas de ta tendresse. Je n'en veux pas de tes bons yeux. Arrête, Jason, je te tue tout de suite, pour que tu ne me regardes plus comme cela. C'est peut-être ce qui serait le mieux, Médée. Médée le regarde et dit simplement, non, pas toi. Jason va à elle, il lui prend le bras. Alors écoute-moi, je ne peux pas t'empêcher d'être toi. Je ne peux pas t'empêcher de faire le mal que tu portes en toi. Les dés sont jetés, d'ailleurs, ces conflux insolubles se dénouent comme les autres et quelqu'un sait déjà sans doute comment tout cela finira. Je ne peux rien empêcher, tout juste jouer le rôle qui m'est dévolu depuis toujours. Mais ce que je peux, c'est tout dire, une fois. Les mots ne sont rien, mais il faut qu'ils soient dits tout de même. Et si je dois être ce soir au nombre des morts de cette histoire, je veux mourir lavé de mes mots. Je t'ai aimé, Médée, comme un homme aime une femme d'abord. Tu n'as sans doute connu ou goûté que cet amour-là, mais je t'ai donné plus qu'un amour d'homme, peut-être sans que tu l'aies su. Je me suis perdu en toi comme le petit garçon dans la femme qu'il a mis au monde. Tu as été longtemps ma patrie, ma lumière. Tu as été l'air que je respirais, l'eau qu'il fallait boire pour vivre et le pain de tous les jours. Quand je t'ai prise, à Colchos, tu n'étais qu'une fille, plus belle et plus dure que les autres, que j'avais conquise avec la toison et que j'emportais. C'est ce Jason-là que tu regrettes ? Je t'emportais comme l'or de ton père, pour te dépenser vite, pour t'user joyeusement, comme lui. Et puis après, mon Dieu, il me restait ma barque, mes compagnons fidèles et d'autres aventures à courir. Je t'ai d'abord aimé comme toi, Médée, à travers moi. Le monde était Jason, la joie de Jason, son courage et sa force, sa fin. Et si nous avions tous les deux de grandes dents, on verrait bien un jour qui dévorerait l'autre. Et puis un soir qui ressemblait pourtant à tous les autres, Tu t'es endormie à table, comme une petite fille, la tête contre moi. Et ce soir-là, où tu n'étais peut-être que fatiguée de la route trop longue, je me suis soudain senti chargé de toi. Une minute avant, j'étais Jason, encore. Je n'avais que mon plaisir à prendre dans ce monde, durement. Il a suffi que tu te taises, que ta tête glisse sur mon épaule, et cela était fini. Les autres continuaient à rire et à parler autour de moi, mais je venais de les quitter. Le jeune homme Jason était mort. J'étais ton père et ta mère, j'étais celui qui portait la tête de Médée endormie sur lui. Que rêvais-tu, toi, dans ta petite cervelle de femme, pendant que je me chargeais ainsi de toi? Je t'ai emporté sur notre lit et je ne t'ai pas aimé, pas même désiré ce soir-là. Je t'ai seulement regardé dormir. La nuit était calme. Nous avions devancé depuis longtemps les poursuivants de ton père. Mes compagnons veillaient en armes autour de nous. Et pourtant, je n'ai pas osé fermer les yeux. Je t'ai défendu, Médée, contre rien d'ailleurs, toute cette nuit-là. Au matin, la fuite a repris. Et les jours ont ressemblé aux autres. Mais peu à peu, tous ces garçons qui m'avaient suivi les premiers sur la mer inconnue, tous ces petits gars d'Iolcos qui étaient prêts à attaquer des monstres avec leurs armes fragiles sur un signe de moi, ont eu peur. Ils ont compris que je n'étais plus leur chef, que je ne les mènerais plus chercher rien, nulle part, maintenant que je t'avais trouvé. Leur regard était triste et un peu méprisant, peut-être, mais ils ne m'ont pas fait de reproches. Nous avons partagé l'or et ils nous ont laissés. Le monde, alors, a pris sa forme. La forme que je croyais lui voir garder toujours. Le monde est devenu Médée. Les as-tu oubliés, ces jours où nous n'avons rien fait, rien pensé l'un sans l'autre? Deux complices devant la vie devenue dure, deux petits frères qui portaient leurs sacs côte à côte, tout pareil, à la vie, à la mort, les manches retroussées, pas d'histoire, chacun la moitié du barda, chacun son couteau dans les coups durs, la moitié des fatigues, la moitié de la bouteille au repas. Je t'aurais fait honte si je t'avais tendu la main quand le passage était difficile, si je t'avais offert de t'aider. Jason ne commandait plus qu'un seul petit argonaute. Ma petite armée, frêle, aux cheveux levés dans un mouchoir, aux yeux clairs et droits, c'était toi. Mais je pouvais conquérir le monde encore, avec ma petite troupe fidèle. Au premier matin, sur l'argot, avec mes 30 matelots qui m'avaient donné leur vie, je ne m'étais pas senti si fort. Et le soir, à la halte, le soldat et le capitaine se déshabillaient côte à côte, tous surpris de se retrouver un homme et une femme sous leurs deux blouses pareilles et de s'aimer. Nous pouvons être malheureux maintenant, Médée, nous pouvons nous déchirer et souffrir. Ces jours nous ont été donnés et il ne peut y avoir jamais de honte ou de sang qui les tache. Un silence, il rêve un peu. Médée s'est accroupi par terre pendant qu'il parlait, les bras autour de ses genoux, la tête cachée. Il s'accroupit par terre près d'elle sans la regarder. Après, le petit soldat a repris son visage de femme et le capitaine a dû redevenir un homme lui aussi. Et nous avons commencé à nous faire mal. D'autres filles sont passées dans les rues que je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. J'ai entendu pour la première fois, étonné, ton rire fusé avec d'autres hommes. Et puis tes mensonges sont venus. Un seul d'abord, qui nous a suivis longtemps comme une bête venimeuse dont nous n'osions pas fixer le regard en nous détournant, puis d'autres, chaque jour plus nombreux, et le soir, quand nous nous prenions, en silence, honteux de nos corps encore complices, tout leur troupeau grouillait et respirait autour de nous dans la nuit. Notre haine a dû naître alors d'une de ces luttes sans tendresse, et nous avons été trois désormais à fuir, elle entre nous. Mais pourquoi redire ce qui est mort? Ma haine aussi est morte. Il s'est arrêté, Médée dit doucement. Si nous ne veillons que des choses mortes, pourquoi avons-nous si mal tous les deux, Jason? Parce que toutes les choses sont dures à naître dans ce monde et dures à mourir aussi. Tu as souffert? Oui. En faisant ce que je faisais, je n'étais pas plus heureuse que toi. Je le sais. Un temps, Médée demande sourdement, pourquoi es-tu resté si longtemps? Je t'ai aimé, Médée. J'ai aimé notre vie forcenée, j'ai aimé le crime et l'aventure avec toi, et nos étreintes, nos sales luttes de chiffonnier, cette entente de complices que nous retrouvions le soir sur la paillasse, dans un coin de notre rouleau, après nos coups. J'ai aimé ton monde noir, ton audace, ta révolte, ta connivence avec l'horreur et la mort, ta rage de tout détruire. J'ai cru avec toi qu'il fallait toujours prendre et se battre et que tout était permis. Et tu ne le crois plus ce soir ? Non. Je veux accepter maintenant. Accepter ? Je veux être humble. Ce monde, ce chaos où tu me menais par la main, je veux qu'il prenne une forme, enfin. C'est toi qui as raison sans doute en disant qu'il n'est pas de raison, pas de lumière, pas de halte, qu'il faut toujours fouiller les mains sanglantes, étrangler et rejeter ce qu'on arrache. Mais je veux m'arrêter, moi, maintenant. Être un homme. Faire sans illusion, peut-être, comme ceux que nous méprisions. Ce qu'ont fait mon père et le père de mon père et tous ceux qui ont accepté avant nous, et plus simplement que nous, de déblayer une petite place où tienne l'homme dans ce désordre et cette nuit. Tu le pourras, tu crois ? Sans toi, sans ton poison bu tous les jours, je le pourrais, oui. Sans moi. Tu as donc pu imaginer un monde sans moi, toi ? Je vais essayer de toutes mes forces. Je ne suis plus assez jeune à présent pour souffrir. Ces contradictions épouvantables, ces abîmes, ces blessures, je leur réponds maintenant par le geste le plus simple qu'ont inventé les hommes pour vivre. Je les écarte. Tu parles doucement, Jason, et tu dis des mots terribles. Comme tu es sûr de toi, comme tu es fort. Oui, je suis fort. Race d'Abel, race des justes, race des riches, comme vous parlez tranquillement. C'est bon, n'est-ce pas, d'avoir le ciel pour soi et aussi les gendarmes. C'est bon de penser à un jour comme son père et le père de son père, comme tous ceux qui ont eu raison depuis toujours. C'est bon, d'être noble, d'être honnête. Et tout cela donné un beau matin, comme par hasard quand viennent les premières fatigues, les premières rides, le premier or. Joue le jeu, Jason. Fais le geste. Dis oui. Tu te prépares une belle vieillesse, toi. Ce geste, j'aurais voulu le faire avec toi, m'aider. J'aurais tout donné pour que nous devenions vieux, l'un à côté de l'autre, dans un monde apaisé. C'est toi qui n'as pas voulu. Non. Poursuis ta course. Tourne en rond. Déchire-toi. Bats-toi. Méprise. Insulte. Tue. Refuse tout ce qui n'est pas toi. Moi, je m'arrête. Je me contente. J'accepte ces apparences aussi durement, aussi résolument que je les ai refusées autrefois avec toi. Et s'il faut continuer à se battre, c'est pour elles maintenant que je me battrai, humblement, adossé à ce mur dérisoire construit de mes mains entre le néant absurde et moi. Et c'est cela, sans doute, en fin de compte, et pas autre chose, être un homme. N'en doute pas, Jason, tu es un homme maintenant. J'accepte ton mépris avec ce nom. Il s'est levé. Cette jeune fille est belle, moins belle que toi quand tu m'es apparu ce premier soir de Colchide, et je ne l'aimerai jamais comme je t'ai aimé, mais elle est neuve, elle est simple, elle est pure. Je vais la recevoir sans sourire des mains de son père et de sa mère tout à l'heure, dans le soleil du matin, avec sa robe blanche et son cortège de petits-enfants. De ses doigts gauches de petite fille, j'attends l'humilité et l'oubli. Et, si les dieux le veulent, ce que tu es le plus au monde, ce qui est le plus loin de toi, le bonheur, le pauvre bonheur. Un silence, il s'est tu, mais des murmures, le bonheur. Un silence encore, elle dit soudain, une petite voix humble, sans bouger. Jason, c'est dur à dire, presque impossible, cela m'étrangle et j'ai honte. Si je te disais que je vais essayer maintenant avec toi, tu me croirais ? Non. M'aider après un temps, tu aurais raison. Voilà. Nous avons tout dit, n'est-ce pas ? Oui. Tu as fini, toi, tu es lavé, tu peux t'en aller maintenant. Adieu, Jason. Adieu, m'aider. Je ne peux pas te dire sois heureuse, sois toi-même. Il est sorti, m'aider murmure encore. Leur bonheur. Elle se dresse soudain et crie à Jason disparu. Jason, ne pars pas ainsi. Retourne-toi. Crie quelque chose. Hésite. Aie mal. Jason, je t'en supplie, il suffit d'une minute de désarroi ou de doute dans tes yeux pour nous sauver tous. Elle court après lui, s'arrête et crie encore. Jason, tu as raison, tu es bon et tu es juste et tout est sur mon dos pour toujours. Mais une seconde, une seule petite seconde, doute-en. Retourne-toi et je serai peut-être délivré. Son bras retombe, blasé, Jason doit être loin. Elle appelle d'une autre voix. Nourrice. La nourrice paraît sur le seuil de la roulotte. Le jour va se lever bientôt. Réveille les enfants, habille-les comme pour une fête. Je veux qu'ils aillent porter mon cadeau de noces à la fille de Créon. Ton cadeau, pauvre! Que te reste-t-il à donner? Dans la cachette, le coffre noir que j'ai emporté de Colchos. Apporte-le. Tu avais défendu qu'on y touche. Que Jason même sache qu'il existait. Va le chercher, la vieille, et sans parler. On n'a plus le temps de t'écouter, toi. Il faut que tout aille terriblement vite, maintenant. Donne le coffre aux enfants et conduis-les jusqu'en vue de la ville, qu'ils demandent le palais du roi, qu'ils disent que c'est un cadeau de leur mère, Médée, pour l'épouser, qu'ils le remettent entre ses mains et qu'ils reviennent. Écoute encore, le coffre contient un voile d'or et un diadème, reste du trésor de Maras. Qu'ils ne l'ouvrent pas, eux. Elle crie soudain, terrible à la vieille hésitante. Obéis ! La vieille disparaît dans la roulotte. Elle ressortira plus tard, silencieusement, avec les enfants. Médée restait seule. C'est maintenant, Médée, qu'il faut être toi-même. Ô mâle, grande bête vivante qui rampe sur moi et me lèche, prends-moi. Je suis à toi cette nuit. Je suis ta femme. Pénètre-moi, déchire-moi, gonfle et brûle au milieu de moi. Tu vois, je t'accueille. Je t'aide. Je m'ouvre. Pèse sur moi de ton grand corps velu, serre-moi dans tes grandes mains calleuses, ton souffle rauque sur ma bouche, étouffe-moi. Je vis, enfin. Je souffre et je nais. Ce sont mes noces. C'est pour cette nuit d'amour avec toi que j'ai vécu. Et toi, nuit, nuit pesante, nuit bruissante des cris étouffés et des luttes, nuit grouillante du bond de toutes les bêtes qui se pourchassent, qui se prennent, qui se tuent, attends encore un peu, s'il te plaît, ne passe pas trop vite. Ô bêtes innombrables autour de moi, travailleuses obscures de cette lande, innocentes, terribles, tueuses. C'est cela qu'ils appellent une nuit calme, les hommes, ce grouillement géant d'accouplement silencieux et de meurtre. Mais je vous sens autour de moi, moi. Je vous entends ce soir pour la première fois, au fond des eaux, des herbes, dans les arbres, sous la terre. Un même sang bat dans nos veines. Bête de la nuit, étrangleuse, mes sœurs. Médée est une bête comme vous. Médée va jouir et tuer comme vous. Cette lande touche à d'autres landes et ces landes à d'autres landes encore jusqu'à la limite de l'ombre où des millions de bêtes pareilles se prennent et égorgent en même temps. Bête de cette nuit, Médée est là, debout, au milieu de vous, consentante et trahissant sa race. Je pousse avec vous votre cri obscur. J'accepte comme vous, sans plus vouloir comprendre le noir commandement. J'écrase du pied, j'éteins la petite lumière. Je fais le geste honteux. Je prends sur moi, j'assume, je revendique. Bête, je suis vous. Tout ce qui chasse et tue cette nuit est Médée. La nourrice entre soudain. Médée ! Les enfants ont dû arriver au palais et une grande rumeur s'élève de la ville. Je ne sais pas quel est ton crime, mais l'air en retentit déjà. Attelle vite, fuyons, gagnons la frontière. Moi, fuir ? Mais si j'étais déjà parti, je reviendrais pour jouir du spectacle. Quel spectacle ? Le garçon surgit. Tout est perdu. La royauté et l'État sont tombés. Le roi et la fille sont morts. Morts si vite ? Comment ? Deux enfants sont venus à l'aube porter un présent à Créuse. Un coffret noir qui contenait un voile richement brodé d'or et un diadème précieux. À peine les eut-elle touchés. À peine s'en fut-elle parée comme une petite fille curieuse devant sa glace, Créuse a changé de couleur. Elle est tombée se tordant dans d'horribles souffrances, défigurée par le mal. Médée crie « L'aide ! L'aide comme la mort, n'est-ce pas ?» Créon est accouru. Il a voulu la prendre, arracher le voile et le cercle d'or qui tuait sa fille, mais à peine les a-t-il touchés. Voilà que lui aussi pâlit. Il hésite un instant, l'horreur dans ses yeux, puis s'écroule, hurlant de douleur. Ils sont couchés l'un contre l'autre, maintenant expirant dans des soubresauts et mélangeant leurs membres, et personne n'ose s'approcher d'eux. Mais le bricourt, que c'est toi qui as envoyé le poison. Les hommes ont pris leurs bâtons, leurs couteaux, ils accourent vers la roulotte. J'ai couru devant, tu n'auras même pas le temps de te disculper. Fuis, Médée. Non ! Elle crie au petit qui se sauve. Merci, petit ! Merci pour la seconde fois ! Fuis-toi ! Il vaut mieux ne pas me connaître. Aussi longtemps que les hommes se souviendront, il vaudra mieux ne pas m'avoir connu. Elle se retourne vers la nourrice. Prends ton couteau, nourrice, et gorge le cheval. qu'il ne reste rien de m'aider tout à l'heure. Mets des fagots sous la roulotte, nous allons faire un feu de joie comme un colchide. Viens, où m'entraînes-tu? Tu le sais. La mort est légère. Suis-moi, la vieille, tu verras. Tu as fini de traîner tes vieux os qui te font mal et de geindre. Tu vas te reposer, enfin. Un long dimanche. La nourrice se détache hurlant. Je ne veux pas m'aider, je veux vivre. Combien de temps, vieillarde, la mort sur ton dos? Les enfants entrent en courant et viennent se jeter effrayés dans les jupes de Médée. Ah, vous voilà, vous deux. Vous avez peur? Tous ces gens qui courent et qui hurlent, ces cloches, tout va se taire. Elles tirent leur tête en arrière, regardent leurs yeux et murmurent « Innocence, piège des yeux d'enfant, petite brute sournoise, tête d'homme. Vous avez froid? Je ne vous ferai pas de mal, je ferai vite, juste le temps de l'étonnement de la mort dans vos yeux. » Elle les caresse. Allons, que je vous rassure, que je vous serre une minute, petit corps chaud. On est bien contre sa mère, on n'a plus peur. Petite vie tiède sortie de mon ventre, petite volonté de vivre et d'être heureux. Elle crie soudain. Jason, voilà ta famille, tendrement unie. Regarde-la, et puisses-tu te demander toujours si Médée n'aurait pas aimé, elle aussi, le bonheur et l'innocence, si elle n'aurait pas pu être, elle aussi, la fidélité et la foi. Quand tu souffriras tout à l'heure et jusqu'au jour de ta mort, pense qu'il y a eu une petite fille Médée exigeante et pure autrefois, une petite Médée tendre et bâillonnée au fond de l'autre. Pense qu'elle aura lutté toute seule, inconnue, sans une main tendue, et que c'était elle, ta vraie femme. J'aurais voulu, Jason. J'aurais peut-être voulu, moi aussi, que cela dure toujours et que ce soit comme dans les histoires. Je veux en cette seconde encore aussi fort que lorsque j'étais petite que tout soit lumière et bonté. Mais Médée innocente a été choisie pour être la proie et le lieu de la lutte. D'autres, plus frêles ou plus médiocres, peuvent glisser à travers les mailles du filet jusqu'aux eaux calmes ou à la vase. Le fretin, les dieux l'abandonnent. Médée, elle, était un trop beau gibier dans le piège. Elle y reste. Ce n'est pas tous les jours qu'ils ont cette aubaine, les dieux, une âme assez forte pour leur rencontre, leur sale jeu. Ils m'ont tout mis sur le dos et ils me regardent me débattre. Regarde avec eux, Jason, les derniers sursauts de Médée. J'ai l'innocence à égorger encore dans cette petite fille qui aurait tant voulu et dans ces deux petits morceaux tièdes de moi. Ils attendent ce sang là-haut, ils n'en peuvent plus de l'attendre. Elle entraîne les enfants vers la roulotte. Venez, petit, n'ayez pas peur. Vous voyez, je vous tiens, je vous caresse. Et nous rentrons tous trois à la maison. Ils sont rentrés dans la roulotte. La scène reste vide un instant. La nourrice reparaît à garde comme une bête qui se cache et l'appelle. Médée ! Médée ! Où es-tu ? Ils arrivent. Elle recule et crie soudain. Médée ! Des flammes ont jailli de partout. Elles entourent la roulotte. Jason entre rapidement à la tête des hommes armés. Jason. Éteignez ce feu ! Saisissez-vous d'elle ! Médée paraît à la fenêtre de la roulotte et crie. N'approche pas, Jason ! Interdis-leur de faire un pas. Où sont les enfants? Demande-le-toi une seconde encore, que je regarde bien tes yeux. Ils sont morts, Jason. Ils sont morts égorgés tous les deux, et avant que tu aies pu faire un pas, ce même fer va me frapper. Désormais, j'ai recouvré mon sceptre, mon frère, mon père, et la toison du bélier d'or est rendue à la Colchide. J'ai retrouvé ma patrie et la virginité que tu m'avais ravie. Je suis Médée, enfin. Pour toujours. Regarde-moi avant de rester seul dans ce monde raisonnable. Regarde-moi bien, Jason. Je t'ai touché avec ces deux mains-là. Je les ai posées sur ton fond brûlant pour qu'elles soient fraîches et d'autres fois brûlantes sur ta peau. Je t'ai fait pleurer, je t'ai fait aimer. Regarde-les, ton petit frère et ta femme. C'est moi, c'est moi, c'est l'horrible Médée. Et essaie maintenant de l'oublier. Elle se frappe et s'écroule dans les flammes qui redoublent et enveloppent la roulotte. Jason arrête d'un geste les hommes qui allaient bondir et dit simplement « Oui, je t'oublierai. Oui, je vivrai. Et malgré la trace sanglante de ton passage à côté de moi, je referai demain avec patience mon pauvre échafaudage d'homme sous l'œil indifférent des dieux. » Il se tourne vers les hommes. « Qu'un de vous garde autour du feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que décembre, jusqu'à ce que le dernier os de Médée soit brûlé. Venez, vous autres, retournons au palais. Il faut vivre maintenant, assurer l'ordre, donner des lois à Corinthe et rebâtir sans illusion un monde à notre mesure pour y attendre de mourir. Il est sorti avec les hommes, sauf un qui se fait une chique et prend morosement la garde devant le brasier. La nourrice entre et vient timidement s'accroupir près de lui dans le petit jour qui se lève. La nourrice. On n'avait plus le temps de m'écouter, moi. J'avais pourtant quelque chose à dire. Après la nuit, vient le matin. Et il y a le café à faire. Et puis les lits. Et quand on a balayé, on a un petit moment tranquille au soleil avant d'éplucher les légumes. C'est alors que c'est bon si on a pu grappiner quelques sous la petite goutte chaude au creux du ventre. Après, on mange la soupe et on nettoie les plats. L'après-midi, c'est le linge ou les cuivres et on bavarde un peu avec les voisines. Et le souper arrive tout doucement. Alors, on se couche et on dort. Le garde, après un temps. Il va faire beau aujourd'hui. Ça sera une bonne année. Il y aura du soleil et du vin. Et la moisson. On a fauché la semaine dernière. On va rentrer demain ou après-demain, si le temps se maintient. La récolte sera bonne, par chez vous. Faut pas se plaindre. Il y aura encore du pain pour tout le monde, cette année-ci. Le rideau est tombé pendant qu'il parlait. Fin de Médée.